Alors on accueille. Ouais, ça arrive. Ben, ça devrait déjà être prêt depuis longtemps. Bah, c'est prêt, hein. Nous, on bosse, gamin. Ouais, ben, tu bosses, ça m'étonnerait, hein. Allez, mon petit bouchon. Alors, pour ça, c'est le deuxième sur les concours d'équitation épique. Et pour ça, on va accueillir Petit Canasson, 30 ans, 101.9, de Brest. Attends, il arrive. Attends, allô, Petit Canasson. On y va, l'antenne. C'est bon, il est là. Ah non, mais ça devrait... Oui, mais ça fuse. Dès que je demande les auditeurs, il devrait déjà être là. Hein. Ouais, c'est bon. Allô, je suis là. Petit Canasson, Brest, 30 ans, on écoute Fun Radio 100.1. Oui, tout à fait, bonsoir, GG. Bonsoir à toi. Super Poulain, 23 ans, 96.3 sur un petit billet. Oui, eh, hey, vous arrêtez au standard, là. Oh là là, là tous à putain. Putain, t'es vraiment trop mauvaise. Oh. Mais c'est moi qui gère, c'est moi, quoi. Gère. Bon, alors, Gérard, tu veux qui, Super Poulain? Super Poulain. Allez, il est parti, Super Poulain, je le rappelle. Non, mais attends, pour l'instant, Manu. Non, je peux pas mettre de 10, c'est pas possible. Tu me les mets tous, non, mais tu me les, tu mets. Ils y sont tous à l'antenne. Yves Saint-Martin, 21 ans, Paris. Bon, t'éteins ton micro quand je parle! Pardon, je briefe les auditeurs. Yves Saint-Martin, t'es là? Oui, bonsoir, oui. Oui, enfin, oui. Oui, je suis là, oui, bonsoir, c'est Yves Saint-Martin. 21 ans de Paris. Oui, tout à fait, 101.9. Et Marie-Sarah Lecomte, 24 ans de Lille, 97.5. Bonsoir Gérard, bonsoir la France. Ouais. Non, c'est pas toi que je m'adresse, c'est à Manu. Oui, je sais, vas-y, enchaîne. Donc, alors, première question. Auriez-vous déjà été dans un centre d'équitation? Si non, aimeriez-vous y aller et pourquoi? Alors, on va demander à Petit Canasson. Oui, bah écoute, les centres d'équitation, c'est pour se faire mettre deux, trois coups de rabot à l'endroit où il faut. Ouais. Et puis éventuellement, je sais pas, si tu peux parier un petit peu d'argent et puis faire des fric au passage. Non mais ça, attends, mais ça justement... Ça sert à ça aussi, hein, je vais dire, ça se fait dès les centres d'équitation, hein, tu paries direct, hein, les futurs jockeys, ils ont 10, 12... Mais attends, commence pas déjà à vouloir prendre déjà les autres questions. Je savais pas. On en est qu'à la première, tu vas pas déjà y aller sur la quatrième, toi. Excuse-moi. Donc, super Poulain. Oui, bonsoir Gérard. Donc, 23 ans, 99.3 de Pithiviers, c'est ça? Exact, oui. Donc, alors, pour toi? Tu peux me dire la question, s'il te plaît. Alors, auriez-vous déjà été dans un centre d'équitation? Sinon, aimeriez-vous y aller et pourquoi? Je suis déjà allée dans un centre pour faire mettre des fers à cheval aux chevaux. Mmh. Donc, alors, le centre d'équitation qui existe en France, normalement, si je me trompe pas, et je pense que tous les auditeurs là qu'on a, et le centre d'équitation où qu'on apprend à monter sur des chevaux, normalement, c'est Saumur, c'est bien ça? Ouais, c'est le cadre noir, exactement. Ouais, c'est le cadre noir à Saumur. Ouais, c'est à côté de l'aquarium de Touraine. Ouais, donc c'est bien ce que je pensais aussi. Mais attends, Gégé, la formation pour les poneys, elle se passe là-bas aussi, ou c'est juste les chevaux? Non, ça, c'est uniquement que les chevaux qui se passent à Saumur. Hein. Les poneys, les mulets, les bourricots, et tout ça, c'est où? Ouais. Oh, Manu, ouais. Au standard. Ouais. On fait l'aria en binôme, en fait. Regardez, les deux toutous, là. Ouais. Faut coller l'un à l'autre. On fait une double aria. Apo, elle gère très bien le standard, donc on s'est dit, on va faire la double aria, ça. Double. Super Poulain. Ouais, Gérard, donc je te disais, je suis allée dans un truc, bah justement, c'était à Saumur. J'allais au cadre noir pour faire serrer un cheval. Et en fait, j'ai vu le centre d'équitation, machin, avec tous les militaires et les grands chevaux, et c'était très beau. Ouais, donc c'est là-bas qu'on apprend à monter sur des chevaux et qu'on fait leur toilettage et comment qu'on pousse des pères. Qu'on leur brosse les dents, tout ça, mais je... Non, on leur brosse les dents. Ah si, c'est vrai. Cadre noir. Ouais. C'est vachement important pour les chevaux, les dents, j'ai dit. Le sourire, ouais. C'est comme quand t'achètes des esclaves, faut toujours regarder les dents, comme dans les films. Comme dans les films, les mecs. Yves Saint-Martin. Yves Saint-Martin. Il est pas là. Oui, il est là, ouais. Allô, bonsoir Gérard. Bon alors, toi? Gérard, bonsoir. Salut, je t'ai déjà dit bonsoir tout à l'heure, alors arrête. Excuse-moi, ouais, moi j'y suis déjà allé dans un centre épique pour monter des dromadaires dans mon pays, que je viens d'Algérie, où il y a des centres épiques qui montent des dromadaires, mais qui sont très hauts, qu'il faut prendre des escabeaux parce que c'est beaucoup plus haut que les chevaux. Oh. Il a genoux, tu fais comme avec les filles. Tu dis au revoir. Il est pas bien, tu trouves? Non. Ah bon? Il répond Girard, on a le droit de s'exprimer aussi sur Sun Radio, nous. Là, on écoute. Mais sur Skyrock. Marissa, le compte 24. Marissa. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Alors, donc, pour toi? Alors, pour moi, c'est pas que je suis docile, mais ça me plairait bien de le faire. J'ai jamais été, mais en fait, la position, là, les jambes bien écartées sur un cheval, ça me dirait bien, ouais. Est-ce que tu montes avec ou sans selle? Salope, dégage-la. Sans selle? Sans selle. Ah là là. Tu vas là-bas, toi? Du poivre. Sans selle, GG, c'est une personne, il a raison. Même la peau. Ouais, ben, je pense que tu vas pour faire long feu, toi, si tu continues. Gérard, sur IRC, il y a Speedy Gonzalez, il te demande les concours hippiques, c'est des concours pour les gars qui ont des cheveux longs et qui fument des trucs bizarres ou... c'est des hippies. Ah, c'est des hippies, ça. Ouais, rigolo, putain, merde. Non, mais ça, il n'y a pas de concours de hippies. Parce qu'il parle aussi des concours d'hippiques hein. Dans les porte-monnaies de la Christine. Bon, ben, Alec va se faire foutre avec ça. Donc, il tout le monde. De Charenton. Donc, on n'a plus personne à la place d'Yves Saint-Martin? Alors là, on va accueillir Poulina, 30 ans d'Orléans, Gérard. Oui, bonsoir. Poulina. Bonsoir, bonsoir Gérard. Bonsoir. Bonsoir. Salut Poulina. Fréquence d'Orléans. Fréquence d'Orléans, 108.9. 108.9, ok. Bien con. Ouais. Donc, alors pour toi, la question Oui, je suis déjà allé dans des centres hippiques où j'ai vu des animaux bien montés. Et ça m'a relativement émoustillé, je dois dire. Est-ce que tu as vu des étalons italiens, par exemple? Oui, bien sûr, en pleine action. En pleine action, hein. En pleine saillie, et je dois dire que, c'est impressionnant, hein. Ça, on doit dire que, je veux dire, Rocco Siffredi à côté, c'est un main, hein. Ça passe partout du sexe, hein, parce que là, ça atteint des longueurs, hein, quand même, c'est impressionnant, hein. C'est tuyau d'arrosage, hein, quand même, hein. Une lance à incendie, moi, je dirais. Oui, c'est ça, voilà. Et une lance de pompier, quoi, en fait. Et il y a de la pâte. Je te demande, auriez-vous déjà été dans un centre d'équitation? Sinon, aimeriez-vous y aller? Et pourquoi? Je te demande pas... Ça y est, j'y suis allé tout à fait pour voir des étalons en pleine action. Ça fait partie aussi du monde hippique, la reproduction, la saillie. Je veux dire que c'est comme ça aussi qu'on développe des élevages dans les haras. Il y a les chevaux étalons qui honorent les juments et ils ont la vie de rêve, hein, parce qu'ils ont une douzaine à leur disposition. Genre le harem, c'est pas si loin de chez nous, c'est dans les haras. C'est pas les harems, c'est les haras. Mais moi, GG, moi, ce que je me demande, c'est comment on arrive à faire, tu sais, des lignées de chevaux champions alors que c'est des animaux. Alors qu'il y a quand même des gens qui font partie de la race humaine, qui sont, tu vois, qui font partie de lignées un peu plus, tu vois, limite, quoi. Royal Canin. Ouais, par exemple, ouais. Non, mais arrêtez de presser. Est-ce qu'il faudrait pas faire un petit peu de tri au niveau des saillies dans la race humaine? J'en connais un tout à l'heure qui va morfler. Mais parle devant ton micro, Julien. Non, mais t'amuses pas avec les micros, toi, là-bas. Évitez de les entendre. Bon, y'a rien, hein. Y'a rien là, Gérard, y'a rien, vas-y. Pas de soucis. Donc, j'ai jamais eu l'occasion d'aller dans un centre hippique. Je voudrais bien aller, surtout à celui de Saumur, comme on avait dit avec Super Poulain. Tu y allais pourquoi? Pour picoler? Non, j'aurais bien voulu voir comment qui dressait les chevaux et puis tout ça. C'est vrai qu'il est déjà monté sur un manège avec des chevaux quand même. Non. Il y a du pinard à Saumur. C'est pareil, hein. Il y a du bon pinard. Il n'y a pas un centre équestre à l'hippodrome de Longchamp où tu vas, là? Non. Si, sûrement. Il n'y a pas de centre équestre là. Il y a Vincennes. Il n'y a que Michel Drucker qui fait du vélo là-bas. Hein. C'est très très surprenant. Il y a peut-être un centre pédestre alors. Tu connais peut-être mieux. Bon, arrête de dire tes conneries, toi, ça vaudra mieux parce que si tu veux pas morfler, t'arrêtes, d'accord? Il a raison, moi je kiffe les randonnées pédestres. Tu sais qui vient de dire ça? Canasson, petit canasson. Ouais, petit. J'ai le droit d'aimer la marche à pied. Attends, j'ai le droit, c'est tout. Ah bon, sinon, ouais. Tu vas voir comment que je vais te faire. Toi, GG, tu es partisan plutôt du trot ou du galop? Tu l'as fait trotter ou tu l'as fait galoper? Qui? Je sais pas si t'avais une jument par exemple. Je sais pas si c'était pas une vieille bourriquette, si t'avais une jument. Il montait sur moi, c'est tout? Oh là là là là. Gildard, tu arrêtes avec ça s'il te plaît. Avec quoi? Avec les sons là. Il n'y a plus de sons, on avait dit. Tu arrêtes s'il te plaît parce que ça commence à devenir rengaine. J'ai pas mis de son. Hein. Donc avez-vous déjà été dans un centre d'équitation? Alors 65% n'aiment pas les chevaux et les grosses pouliches. C'est pas mal les sondages en ce moment. 33% préfèrent les centres de désincto. Désintox, ça n'a rien à voir avec les courses hippiques. Mais non, mais les gens préfèrent ça au centre de l'excitation, on n'y peut rien. 21% demandent si moi je me suis déjà fait enfourcher. On lance rien. Tu le gardes, Pégas. Si tu veux pas que je t'insulte, t'arrêtes de faire chier tout le monde, d'accord? Je fais rien. Vas-y, laisse-toi, Sarah. Et 7% gagne de l'argent pour en acheter un. Ça, de toute manière, pour en acheter un, faut déjà avoir du fric. Allez, c'est pas donné. Donc, deuxième question. Peut-on effectuer l'équitation à trois ou à plusieurs sur un cheval? Par moment, je me demande si je suis pas con. Ah, ouais. À toi aussi, toi. Ouais. Alors, Fildar, c'est la dernière fois que tu t'amuses à me mettre des doubles sons, d'accord? Ok. Sinon, tu vires chez toi. D'accord. Petit canasson. Bon, allez. Oh non, Gérard! Non, GG, reviens! Ça commençait bien, on apprenait des trucs, tout ça sur les chevaux, les juments. Mais les autres côtés, les autres côtés, Max! Il est parti du mauvais côté, donc. Oh, Rigo, oh, oh, t'es pas chez toi. Hein. Alors là, on attend bien sûr Gérard qui est parti chercher Max du côté droit alors que Max est à gauche. Gérard! Max est de l'autre côté! Il y a une casette comment, Gérard, ce soir? Oui, il est bah, grise, un peu comme marron. Marron et jaune devant, hein. Normal. Gérard, taquine la bouteille, Gérard, taquine le bouchon. Bon, oh là là, oh là. Celui-là, putain. Il y a pas de double son, tout a été réparé. Tu veux pas les disques là? Mais si, on en est là. Alors Gérard, on y va? Parce que ça commence à bien faire. Ça commence à bien faire vos conneries là depuis tout à l'heure, hein. Ouais. Petit canasson donc pour toi. Oh bah c'est quoi la question? T'as pas posé la question du alors coup. Peut-on effectuer l'équitation à trois ou à plusieurs sur un cheval? Oh bah si tu veux le crever au bout de 100 mètres, ouais, tu montes à 15 dessus et c'est bon, tu l'achèves le bestiau, hein. Non, le cheval c'est pour un. Mm-hmm. Sauf dans les westerns, si tu prends une squo sur la croupe, tu peux monter à deux. Non mais t'as, plus, hein, je vais te dire une chose que déjà quand il y a deux chevaux là sur des cirques, fais-moi confiance qu'ils montent à plusieurs dessus. Hein. Attends, les deux chevaux, on n'en voit pas dans les cirques. Ouais, clair. Des chevaux, espèce d'andouille. J'ai vu les suspensions. Hein. Deux chevaux, on peut la quatre. Hein. Il est là. Hein? Écoute ce que je te dis. Ça vaudra mieux que de faire des conneries. Qu'est-ce que t'as dit à Miss Dazid? Fildar, c'est la dernière fois que je te dis tout à l'heure, tu recommences encore une fois, je t'éclate. Et je te sépare, hop. Super poulain. Ouais, Gérard. Eh, on en mange, c'est bien. Bon, mais hey, vous atteignez vos micros, là, les deux PD de la bande FM, merde. Les deux PD de fun. Les gros PD, hein. Ça y est. Salut! Salut, mec. Il s'est cassé? Putain, je sens que je vais finir de bonne heure ce soir. Ouais, non, pour te calmer, Gérard, tu peux peut-être répondre à Jet, il te demande si t'as déjà bouffé le steak d'une jument. Non. C'est quoi la question? De bouffer la couenne. Petit canasson, au revoir. Oh, bah pourquoi? Hop, ça t'apprendra. Ouais, c'est bon, là. Au revoir. Donc, super poulain, ouais. Ouais, Gérard, donc je sais plus ce que c'était. Deux ou trois. Peut-on effectuer l'équitation à trois ou à plusieurs sur un cheval? Donc, je pense que si tu as été à Saumur, ouais. ils pourront voir comment qu'il faut faire. Oui, il y a des selles à trois places, mm-hmm. Mais c'est pour monter sur des gros chevaux, tu sais, des gros chevaux de labour. Ah ouais, je vois, c'est comme dans les cirques. Je sais pas, je suis... à Saumur, il y a des selles à trois places avec trois étriers, machin, et ouais, tu peux monter facile, 3, 4, même 5 sur un cheval, il n'y a pas de problème, hein, c'est résistant, ça. Hein. Mm-hmm. Poulina. Oui, bah normalement on monte à 1 sur un cheval. Au-delà de 2, ça s'appelle un gangbang. Également dans le monde de l'éducation, un cheval qui se fait monter par plusieurs personnes, c'est un gangbang. Bon ben bah, voilà. Donc c'est pas trop recommandé pour la santé du bourrin quand même. Hein. Je sens que tout à l'heure il y en a deux qui vont virer. Ouais, un seul suffirait. Hein. Ouais, mais ça va être lequel que je vais virer au hasard, ça va être Fildar. Ah non, moi je parlais pas de... Bon, alors, qu'est-ce que tu veux virer l'autre gros porc, là, à côté de toi? Enfin, si tu veux, hein. Bon, GG, à la place de Petit Canasson... Fais quand même attention à ce que tu dis, Lascar. Grand Dada, 26 ans, de Vincennes. Bonsoir. Bonsoir, Grand Dada. Bonsoir, c'est moi, bonsoir. Bonsoir. Grand Dada, mes amitiés à... Il joue, il y a quoi? Au revoir, chérif. Ok, très bien. 101.9, c'est ça? Voilà. Ok. Marie-Sara Lecomte. Oui. Elle a divorcé. Bon, allez hop. Non, mais attends. Non, mais elle est là. Je suis là. je crois que le cheval, ça l'excite bien, parce qu'un truc à deux ou trois à poil sur un cheval, je l'aime bien, ouais, ouais. Mmh. Toi, tu te fais prendre par un cheval, quoi. Non, non, et par, par devant, par derrière, deux ou trois, c'est très sympa. Ouais. Et gros dada, pour finir Déjà, c'est gros dada. Grand dada, ensuite, pardon. Ensuite, j'ai pas entendu la question, puisque j'étais au standard. Peut-on effectuer l'équitation à trois ou à plusieurs sur un cheval? C'est la dernière fois que je répète les questions. Oui, Déva. Alors, si ça continue comme ça, ça va pas aller. Donc oui, c'est tout à fait possible. Dans les cirques, il y a risque, on peut être même 10 sur un cheval, et ils se mettent les uns sur les autres et tout. Donc c'est bien ce que je disais tout à l'heure. C'est pas, j'étais en antenne, donc j'ai pas entendu. Non, mais j'en ai parlé tout à l'heure que dans des cirques, ils montaient à 10 et plus, voire. Ah ouais, bah voilà. Et donc c'est des Dacia. Gérard, sur IRC, on me fait constater que t'as oublié de parler du cheval de Troie. Ah oui. Pour parler de sa ville de merde, à lui, c'est pas la peine. Ah bah quand même. J'en parle même pas de sa ville de merde. Surtout que c'est pas du tout de ma vie, hein, espèce de... Ça a rien à voir. Ouais, c'est pas ta ville, tiens, broutille. Bah non. Le cheval de Troie, non, pas du tout. Le cheval de Troie n'est pas situé à Troie. Hein. Ça serait. Bon, donc, grand dada. Oui, bah j'ai répondu, moi. Bon, donc, peut-on effectuer l'équitation à trois ou à plusieurs sur un cheval? Donc, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai déjà répondu. Alors, Manu Pildar, dimanche soir, vous passerez avec moi au bureau à Max. On va rigoler. On va rigoler, là, vous deux. Vous allez voir le bordel que vous foutez ce soir. Vous allez voir. Continuez comme ça. On va rigoler. Toucher la caquette dans le noir. C'est ça, t'as raison, toi, gros porc. Alors, la question, c'est combien coûte un cours d'équitation en hiver plus l'équipement? Et on va s'écouter. Crabe Sari. Sharif, avec les jeudis soirs, c'est ça pue le crottin à Fun Radio. Alors ça pue les. Et donc c'était gros Sharif avec le jeudi soir, ça pue le crottin à Fun Radio. Ça pue plutôt les pieds de Pildard qui s'est déchancé durant le premier débat. Et donc vous pouvez toujours nous appeler au 0803 08 5000. 3615 4 Fun Radio, rubrique directe, et toujours l'internet www.fr. Au Crigo va revenir. Non, rien à voir. Ah bon, déjà, direct. Ça commence, celui-là. Je voulais te dire que Poulina était partie et qu'à la place, on accueillait Pierrette Bresse. Voilà. Bonsoir, Pierrette Bresse. Salut Pierrette. Pierrette Bresse. Salut Pierrette, la cochonne. Reine de Paris, reine des hippodromes, Paris, 5.9. Bonsoir, moi je me présente, je m'appelle Mégane. J'avais du statut. Marie-Sarah. C'est bien bossé, ça. C'est bien, ouais, bon boulot. Gérard, il y a Speedy, éleveur de pouliches, il te demande si c'était bien toi qu'on voyait sur la couverture du dernier Bilto Magazine. Avec une carotte dans le bec. Non, juste un bel étalon qui te... Non, pas du tout. Ouais, c'est mon dada. Manu. PDVA. Manu, t'as viré Marie-Sarah Lecomte, donc c'est quelqu'un qui connaît bien Pierrette Bresse. Alors si ça se passe mal, tu vireras Pierrette Bresse. Ah bon, d'accord. En parlant de ça, j'ai pas tout compris à ce que tu m'as dit. C'est encore une affaire de famille. On a quelqu'un qui lui. C'est une affaire. Non, franchement, des fois, je crois que tu vas trop loin et que les réponses que tu donnes, elles sont naves. Bonsoir, je suis un escroc. Vous me les calmez avant que je reprenne le débat ou... Okay, calmez-vous les petits, sinon ça va chauffer. Pas de problème. Pas de problème. Mais on récupère qui alors? Grand dada. Guilux. Pierrette Bresse. Et Pierrette Bresse. La fréquence. Guy. La fréquence, Guilux. De Guy. C'est de Guy, c'est 101.9, j'appelle de Paris. Mais on peut pas avoir d'autres personnes que trois parisiens. Tu sais, les courses, ça attire. Combien coûte un cours d'équitation en hiver plus l'équipement? On va demander à Guilux. Alors moi j'ai pas les prix, les nouveaux prix, mais je sais qu'à l'époque, la selle c'était très très cher, mais le reste aussi d'ailleurs. Le cheval, tout ça, vive la vie. J'ai envie de mourir. Pierre Bresse. Ouais, mais je vais faire pareil, je crois que je vais me suicider. Direct. Bon, alors, Pierrette Bresse, c'est Guilux, au revoir. Allez, hop. Comme ça, vous réglerez. Il y a qui fait du cheval encore? Bonjour, de ferme Tourade, là. Grand Dada, pardon. Gérard, sur IRC, il y a beaucoup de gens qui te demandent si tu as déjà mangé un steak de cheval. Bah, je te l'ai dit tout à l'heure, non. Ouais, mais si tu l'as dit dans le bureau, on s'en fout. Bah ouais, c'est clair. Ah, t'as jamais fait cuire une fesse de sandwich, toi? Au revoir pour toi aussi. Oh là, c'est pas mal là, ça va aller vite là, ce soir. Hein. On a dit cheval, on n'a pas dit bout en train. Il reste qui là? Il nous reste que Super Poulain, donc vous me récupérez des ans. Non, mais c'est bien, c'est intime comme ça. Ouais, c'est vachement bien les débats. Non, mais. Donc il reste plus que Super Poulain, donc vous récupérez les auditeurs maintenant. Ok. Ouais, mais le problème c'est que je te chie dans le bec, donc tu vas rester tout seul. Ah bah d'accord, alors au revoir aussi. Alors maintenant, vous me récupérez d'autres auditeurs, on reprendra après. Bah j'ai fait un petit sondage en attendant que les auditeurs arrivent. Justement, je crois qu'il y avait un sondage qui portait justement sur le prix de l'équipement ou sur le prix que devait faire de l'équitation. Non, c'est à quel âge Non, le dernier, regarde le dernier. Aimeriez-vous avoir un cheval comme animal de compagnie? Bah, celui d'avant, alors. Pensez-vous que l'équitation est un luxe, non? Bah voilà, justement, si. Bah oui, mais. Vas-y. Alors, 60% des gens pensent. Je pense que pour les riches, c'est normal, ça c'est vrai. Mm-hmm. De toute manière, il faut être riche pour ça. Bah, oui. 20% disent monter un âne, c'est moins cher. Bah, oui. De toute manière, les ânes, tu les fais avancer avec une carotte devant, ça va plus vite. Mm-hmm. 15% estiment que je passe mon temps à branler les chevaux, ça c'est faux. Ça c'est plutôt pour Fildard. Et 12% me demandent de l'argent pour me faire... pour en faire avec ma bourrique. Alors ça c'est bien pour toi, Pulgar, ces deux dernières là. Ça c'est bien pour toi. Là, tu passes ton temps à branler les chevaux. Ouais, c'est ça, t'as raison. Allons chante. Ouais, c'est ça, pauvre con, ouais. Ouais, je sens que tu as bien. C'est pour ça que t'as les mains cagneuses, non? Ouais, bah fais gaffe parce que tu risques de te retrouver dehors. Mm. D'accord, et Fildar, c'est pareil. Et sinon, il y a Crotin sur IRC, il dit qu'il comprend pas parce qu'il dit que chez toi il n'y a pas de chevaux, mais que ça pue la bouse quand même. Ça pue la bouse, et chez lui ça pue quoi? Enfin, ça doit puer le rat pourri. Bon ben, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire en attendant? Ben, t'as été bon celui-là. Bah, tu meubles, tu fais comme chez toi, hein, tu meubles. Ouais. Ben, c'est toi l'animateur, hein, tu te démerdes. Qu'est-ce que t'as d'autre sur l'IRC? Rien. Est-ce que t'as déjà mangé du clito de jument farci au kyste? Non. De Turpentine? Non, bah Turpentine elle va se calmer, elle un petit peu parce qu'elle m'énerve. Obi-Wan il demande si tu t'es déjà fait monter par un cheval. Si oui, qu'est-ce que ça t'a procuré comme sensation? Alors, rien du tout, donc je me suis jamais fait monter par un cheval. est-ce que t'as déjà monté une mule? Demande Dan. Non. Bah t'es un menteur. Pourquoi? Bah, parce qu'il veut parler de Sandy, donc il est ouais, bah, c'est naze, Rigo, ça. Les mecs de l'internaute, ils sont pas capables de faire un débat correct. Ouais, bah ils sont comme toi, hein. Ils sont à peu près comme toi parce qu'ils disent que des conneries. Hein. Bah ouais, mais moi je suis payé pour ça. Ouais, bah t'es payé pour ça, mais t'es sinon, il y a Yankee qui voulait. Payé pour faire ton boulot aussi de temps en temps. Il y a Yankee qui voulait savoir combien de temps t'as passé à faire de l'équitation. Deux. Ouais. L'équitation. Aucune. Cinq fois la même vanne, les mecs. Bon, t'envoies la. Personne. T'as personne, bah on va se mettre un disque en attendant. Mais non. Ouais, bah arrête un peu parce que ça. Et on rentre en scène. Ça canule. Jument verte. Jument qui sent. Oui, bonsoir. Ta fréquence, parce qu'ils sont pas capables. Ils sont pas capables de les marquer. J'appelle ma fréquence, c'est 107.2. Ok. Tornado. Oui, Tornado. 103.3, Tornado. Tornado. Siffle comme l'éclair. Petite cravache. Ouais, Gérard. Il y a Bernardo avec moi, mais il va pas beaucoup parler, t'inquiète. Petite cravache. Ouais, salut Gérard, c'est 87.8 ma fréquence. 87.8, hein. Ouais. Ok. Et on joue comme quoi? Comme on gagne. C'est vrai, aujourd'hui on joue comme on aime, Gérard. Comme on aime, ouais, ta fréquence? Ma fréquence, 87.6. Tu parles, Charles. 87.6. Alors la question, combien coûte un cours d'équitation en hiver? En hiver, plus l'équipement. Donc, jument qui sent. Bah alors déjà, ça coûte le même prix qu'en été. Donc, attends. Combien coûte un cours d'équitation en hiver, l'équipement? Alors, l'équipement, c'est très très cher. Donc, tu peux en venir rien qu'avec la tenue pour 2000 francs à peu près. Mm-hmm. Plus le cheval. Si tu l'achètes, ça te coûte encore plus cher. Mais bon, de ce point-là, t'as déjà ce qu'il faut. Et puis voilà, quoi, c'est très très cher. Non, mais faut dire une chose, que déjà, le cheval, tu peux très bien aller, comme on disait tout à l'heure, à Saumur, là, il y a un centre d'équitation. Oui, aussi, oui. Pas que Saumur, hein, Gérard. Ouais, c'est qui veut dire aussi pareil? C'est moi. Qui? donne ton nom. Bah, c'est moi. Bah qui? Précise ton nom. Voilà. Identifie-toi. Oui. C'est petite cravache ou ouais, c'est... C'est ça, oui. Bon bah alors, quand on te demande... Trou de mémoire. Ouais, direct. Bon alors, c'est quoi alors s'il n'y a pas que Saumur? Il y en a pas, il y en a partout des centres d'équitation, Gérard. Il y a le Bordeaux, il y en a à Neuilly, il hein, y en a à côté de chez toi. Hein. Ouais. À Neuilly, derrière le jardin des plantes, là. Juste à côté jardin, du jardin d'acclimatation. Non, non, non, il n'y en a pas. Si. Ah, c'est quoi les chevaux? Tornado. C'est des faux? Tornado. C'est faux. Bah écoute, Tornado. L'hiver, c'est vachement plus cher parce qu'il faut les faire courir en intérieur. Donc, il faut louer un hippodrome couvert. Qui est quand même pas à la portée des bourses de tout le monde, quand même, faut le reconnaître. Sinon, si tu les fais courir dehors, faut des fers spéciaux quand même, je sais pas si t'es au courant. Ouais. Et ça aussi, ça coûte vachement cher. Parce que pour équiper un cheval avec des moon boots, bon bah voilà, c'est pas gagné quoi. Sinon, tu galères. Hein. Direct, t'accroches pas et du verglas, tu glisses, carton direct. Mettre des fers à clous et. Petite cravache, bah justement, bah toi. Bah justement, quand ils courent dehors, justement dans la neige, faut leur mettre des fers à clous. Ça coûte vachement cher les fers à clous. Ouais. Fortune. T'as ça, Maclouz? Évidemment, je crois du tapis. Et il faut que toi aussi, que toi, tu t'achètes bah, des trucs pour pas avoir froid, quoi. Tu sais, comment ça s'appelle? Des mitaines. Hein? Des mitaines. Des mitaines à clous, ouais, voilà. Achète-toi une cagoule qu'on voit plus ta gueule au passage. On joue comme on aime! Oui, alors, ça coûte cher, ça coûte beaucoup plus cher l'hiver, évidemment, mais l'été, il ne faut pas non plus oublier qu'il y a quelques frais engagés, notamment pour marcher dans le sable le long de la plage, il faut acheter des tongs pour les chevaux, et comme ils ont 4 pattes, 2 paires de tongs, c'est quand même une somme de 45 francs. Fil d'art dehors. Fil d'art dehors. Gérard, ça tire les mouches. Ouais. Fil d'art dehors. C'est froid, monsieur, dehors. Fil d'art dehors. Vous n'allez pas me mettre dehors, monsieur. Fil d'art dehors. Appelez la Détière, il faut sauver Fil d'art. J'ai juste arrivé en France. Fil d'art dehors. Mais tu crois où, toi, c'est toi qui commande? Ouais, c'est moi qui commande. Je te préviens, ça fait le troisième fois que je te dis, la quatrième fois, je te fous mon poing dans ta gueule. D'accord. Ok, très bien. Alors, on joue comme on aime. Oui, bah, donc je t'ai dit que l'été ça coûte très cher car pour marcher dans le sable il faut équiper les chevaux avec des tongs. Comme ils ont 4 pattes, 2 paires de tongs, ce qui nous fait une somme de 45 francs plus le string brésilien. Et pour un cheval, je te raconte pas, à moins d'avoir le cul de qui je sais, on trouve pas quoi. On joue comme on aime, tu commences pas à déconner comme les autres parce que sinon tu vas gerber. C'est clair, mais je pensais pas à ça. D'accord. À quoi? À elle. Ouais, ben, calmez-vous, parce que sinon, ça va faire comme tout à l'heure. Donc, combien coûte un cours d'équitation? C'est vrai que ça coûte cher, hein, en hiver aussi. L'équipement, c'est pas donné, n'empêche. Hein. Comment? Qu'est-ce qu'il faut, Gérard? Est-ce que tu peux nous dire ce qu'il faut comme équipement, en fait, complet pour faire. Il faut les bottes et. Les bottes, le chapeau et. Comment tu l'appelles? La cravache. Il faut un pantalon, Il faut la tenue complète, donc. Il faut de la bombe, bébé. Toi, tu te calmes, parce que tout à l'heure, je vais te faire de la bombe, bébé. Tornado, tu te calmes, ou j'y m'enverse, tu te calmes. Par contre, Gérard, il faut que ça, faut pas un équipement pour le cheval même. Non. Genre, tu montes pas comme les Indiens, il faut une selle, je sais pas. Non, mais ça, des rênes, des. Non, mais tout ça, c'est en location, tout ça. Des étrons. Non, mais ça. Un morse pour mettre entre les dents. Ou à bouge. L'épice rivier. À quel âge monte-t-on un cheval pour être jockey pour les courses? On va demander à Jument qui sent. Tu peux répéter, j'ai très très mal compris ta question là. À quel âge monte-t-on un cheval pour être jockey pour les courses? Ça dépend, tu t'es dépucelé à quel âge, toi? Bon, toi, t'éteins ton micro, parce que tout à l'heure, je vais te dépuceler ma main dans ta gueule, connard. Non, pas trop d'insultes. Ça commence à bien perdre, là, ce soir, tous les deux. C'était juste une question. Ouais, ça commence à bien perdre, tous les deux. Oh! En plus, c'était pas un cheval. Bon, alors. Attends, il y a une question IRC avant. Quel bordel. C'est vrai. La merde. Alors, déjà, il y a Turpentine qui te demande si tu te rappelles de tes coups de cravache que t'as pris, on dira pas où. Qui fait coco? Non, pas du tout. Ouais, donc, et j'ai un petit sondage, tiens, sur IRC réalisé par Davy One pendant le débat. Au centre hippique des handicapés de Suresnes, 15% des gens interrogés n'ont jamais vu Sandy avec une queue de cheval. 45% des gens préfèrent être sur le cheval que dessous. 28% des gens affirment qu'ils ont Déjà, bon. Gérard s'est roulé dans le crottin d'un cheval. Ouais, ben, il va se faire foutre avec ses trucs de merde. Et tu le vires pas pour ça, le gars, au Bob, là? Oh, et t'éteins ton micro, tu fais ton boulot au standard et ça vaudra mieux. Jument qui sent, donc, pour... À toi. Ouais, donc, ok. Alors, tu peux commencer à partir de 5-6 ans. Donc, tu montes sur un petit poulain. Et un puis, poney. Un poney, ouais, aussi, ouais. Et puis, voilà, tu commences comme ça. Et puis, quand t'es plus grand, tu montes sur un cheval. Mm-hmm. Donc, tu peux commencer très, très, très jeune. Je pense 6 ans maximum. Hein. Mais c'est vrai ce que tu dis, super poulain. Minimum, on va dire. Ouais, minimum. Tornado. Ouais, bah écoute, moi j'ai commencé pareil vers 5-6 ans, mais moi j'ai commencé par un âne, c'était l'âne de mon oncle. Donc j'ai commencé, je me suis formé là-dessus, et puis après je suis passé à... Comment tu fais avancer ton âne? Bah à la carotte, hein, dans le but. Ouais, tu lui mets la carotte devant pour qu'il avance, c'est ça, devant le bike? Derrière, pour qu'il recule aussi. Derrière, ouais. Ok, petite cravache. Eh ben ouais, c'est... Ouais, qu'est-ce qu'il y a, Rigo? Tu peux commencer vers 6 ans, mais tu peux commencer avant, sur le cheval à bascule, tout ça, quoi, avec des roulettes. C'est vrai, ça? Ouais, ouais, ouais, mais ça, c'est des trucs que t'achètes à Noël pour les gamins, c'est ça? Pas forcément. Par exemple? Non, non, non, non, non, non, je pense pas. Oh. Je pense pas. Donc, pour toi, petit cravache, ça serait ça? Ah oui, bah oui, tout à fait. Ah. Mm-hmm. On joue comme on aime. Eh bien, on peut commencer à l'âge de 32 ans, ça s'appelle passe-partout. Mais non, en fait, il y a quand même un problème de taille, Gérard. Hein. Moi, je sais, j'ai connu l'expérience terrible d'un camarade qui faisait 1m80 à l'âge de 12 ans. C'est pas possible. Qui voulait faire jockey, mais bien sûr que si. Il a pris des hormones. Et qui s'est résolu à se faire amputer une partie de la jambe pour atteindre la taille de 1m50, sachant que au-dessus d'1m50, on ne peut pas être jockey. Ça m'étonnerait. Sinon, on a les pieds qui touchent le sol, et en fait, c'est nous qui montons le cheval après, un problème. Alors ça, il faut en parler aussi, parce qu'il y a des gens qui... Au revoir, parce qu'on... Au revoir qui, Gérard? On joue comme on aime, parce qu'il est en train de nous dire des conneries, donc... Pas du tout, Gérard. Non, mais c'est bon, au revoir, au revoir. Voilà. Donc, à quel âge... Voilà. Pilar, ça commence à bien faire. À quel âge monte-t-on un cheval pour être jockey pour les courses? Donc c'est à partir de 6 ans, de toute manière c'est bien ce qu'on avait dit. Mais est-ce qu'il y a des petits qui peuvent le faire avant s'ils ont envie? Non, je pense pas. Si, c'est possible. Si, mais avec... à quel âge? Avec un moniteur. Ouais, bah, de toute manière, déjà quand... c'est toujours avec un moniteur qui sont là. Hein. Ah non. Ah si, je peux te le dire. Donc, j'ai une question, moi. Je voulais savoir si, en fait, comme pour les petits, comme tu dis qu'on peut commencer à partir des 6 ans, est-ce qu'il y a des concours pareils, genre des trucs d'obstacles? Non, parce que... De machin pour les petits aussi. Ah non, pas avec les poneys. Hein, ça saute pas un poney. Non. Donc, cinquième question. GG, avant, on accueille Ourazi en rue, 35 ans, de Liège. Bonsoir. Salut, Ourazi en rue. Bonsoir, vas-y. Ta fréquence? 102.7. C'est Tornado, les chevaux ont droit à l'homosexualité. Hein. Tout à fait, d'ailleurs je vais t'enculer. C'est chiant. Alors, Ouarazi, tourne de régiment, ou vous calmez, ou je vous vire. Non, mais je suis pas dans l'eau, moi j'ai rien dit, alors tu te calmes. Bon, attends, tu vas te calmer, toi, déjà le premier. Parce qu'à Liège, c'est pas la fréquence 102.7. D'accord? Alors. C'est moi, tu croyais l'avoir, le lasteur? C'est... Ouais, c'est ça. Tu croyais l'avoir, le vieux Clodo, c'est toi? Non, le vieux Clodo, il croit que qu'on apprend à faire la vinasse. Hein. Ouais, et donc c'est 101.9 que ta fréquence à toi. T'étais pas de Liège, j'étais de Paris en plus. En plus. Voilà. T'as l'accent de la banlieue nord. Allez, Gérard. Alors donc, cinquième question. Que gagnent les chevaux lors d'une course d'équitation? On se retrouve après, on va s'écouter la... Le Bernardo de Suresnes avec Métacel, j'arrive pour te chevaucher. On se retrouve tout de suite après. Les débats, pas de radio et pas d'insultes. Du bâtard. T'es vraiment un branleur, toi. Donc vous venez d'écouter les Bernardo de Suresnes avec Métacel, j'arrive pour te brouter. Pour te chevaucher, donc suite pareil. Suite du débat, pour ça, vous pouvez toujours nous appeler au 0803-08-5000, toujours 3615 Fun Radio, rubrique direct, l'IRCWW.fr. J'arrive sur l'IRC. Rigo, qui est... Alors, Gérard, non, mais j'attends, vas-y. Tu peux faire le 3615 code Van Luck, mais je sais pas si tu trouveras beaucoup de choses. Je crois qu'on pourrait faire 3615 code connard. Ça peut être sympa. Signé, dessus, on mettrait fil d'art. Parce que le roi des cons de la soirée, c'est bien toi, je crois, ce soir. Hein. Toi et Manu, c'est bon. Vous, avez, vous, vous êtes deux pour ça. Hein. Alors, aimeriez-vous avoir un cheval comme animal de compagnie? Donc, 80% des gens répondent non, ils préfèrent leur femme, ça c'est vrai. 45% disent que toi, t'en es déjà un, ça c'est faux. 26% pensent que j'ai le look... Look, coco, j'ai le look, ouais, bah, c'est pas mal. 8% répondent, j'ai le look qui me colle dans la poudre de la bite. Ça, c'est des trucs à la pile d'art. Nous, à la rigueur, comme on veut tout le temps dire que c'est lui qui fait les sondages. Donc, on récupère Jument qui sent. Bon, rebonsoir. Ouais, c'est les débats de bâtards ce soir? Non, c'est les débats de Gérard, c'est pas les débats des bâtards, des deux bâtards là, que non, vous aviez. Tornado. Ouais, moi, j'ai le look qui me colle à la peau aussi, ouais. Fildar, tu arrêtes s'il te plaît. C'est bon, on est occupé. Trois coups de fouet, bam. Tornado. Pizzoro, laisse tomber. Tornado, oui, rebonsoir. Oui, je t'ai dit oui, bien sûr. Petite cravache. Ouais, t'as pas le look coco, t'as le look caca. Petite cravache, au revoir. Oh. Au revoir pour elle. Il rigolait, Gérard, il rigolait. Oh. Hop. Une plaisante. Et Ouarazi. Pas de vérité. Salut. Ouarazi. Salut, je t'adore. Fais gaffe, Tony, parce que je t'ai reconnu. Donc alors. Fais gaffe parce que t'es déjà passé dans le premier débat, t'as pas duré longtemps, je crois que dans celui-là tu vas faire pareil. Pas du tout. Ah mais ça va bien se passer. Ouais ben je crois que je t'avais dit que je voulais pas que tu passes. Il a l'habitude, je suis ton fils, c'est pas grave. Ouais, GG à la place de Petite Cravache, on a Étalon Noir, 28 ans, de où Manu? Je sais pas, tu te démerdes. Ah ben je me démerde, donc il va te dire l'auditeur. Étalon Noir, bonsoir. Bonsoir. T'appelles d'où? J'appelle de Roumanie, c'est bah, votre tour. Oui, pardon, ça c'est de la fiotte. Ça c'est de la fiotte. Que gagnent les chevaux lors d'une course d'équitation? On va demander à Étalon Noir. La tortue de prod. Allô? Allez, vas-y. Attendez. Arrêtez de parler pendant que j'ai rapport. Étalon Noir, s'il te plaît. Oui, vas-y, Crayo, va nous. Chacun son tour, s'il vous plaît, auditeur. La question, tout le monde parle. Non, je te l'ai déjà dit. Vas-y, nous pêche-coup. Est-ce que tu peux la répéter? Bon, allez, dégage, au revoir. Hop. Allez, hop, vous allez pas me percher ce soir. Tony. Ouais. Écoute, moi, ça tombe bien que tu fasses le débat parce que je suis torfiste. Donc ça fait que, en fait, je fais des paris sur les chevaux. Et j'aimerais que tu parles un peu plus, en fait, des paris, du PMU, tout ça, parce que t'en as pas trop parlé. Pour un cent, tu réponds à la question, sinon tu gères. Ouais. Non, mais la question, elle est un peu compliquée, quoi. J'ai pas très bien compris. C'est vrai. La feinte. Vas-y, répète, Gérard, c'est bon, y aller, professionnel. Oh là là là là là là. Moi aussi, je pense, enfin, j'ai pas très bien. Que gagnent les chevaux lors d'une course épique? Ils gagnent rien. Je crois qu'ils sont un pauvre drap qu'ils mettent sur eux, quoi. Et puis un lavage, et puis hop, c'est reparti, hein, ils recourent. Hein. Ils ont des fleurs, non? Même non. Même pas, parce qu'ils bouffent même pas de ça, quoi. Ils bouffent du foin. Voilà. Tornado. Ouais, bah du foin et puis une petite ration d'avoine quand même pour la forme. Mmh. Ouais, comme le matin petit déj, quoi, les flocons d'avoine direct. Ouais. Et jument qui sent. Ouais, bah donc ils gagnent un peu de bouffe, ils ont un logement, tout ça, ce qui est déjà pas mal pour un cheval. Et puis s'il fait pas bien son boulot, le petit cheval, bah il se fait fouetter. D'accord. À la place de la petite salope des talons noirs, on va accueillir Hippopodrome. Ils ont rien compris. Apodrome. Hein? Apodrome. C'est quoi ça, Apodrome? C'est comique, ça. Ta fréquence. C'est pas grave, j'ai compris. Ça, c'est toi, Malu. Ta fréquence, Gérard. Ça, c'est des Malu, ça, je reconnais. Oh! C'est faux. Tony, au revoir. Non, mais non, c'est pas moi, là. Allez, hop. C'est géré. Allez, hop, terminé pour lui. Ta fréquence. 134.4. Ouais? Ouais, c'est bon. Voilà. Donc, alors, pour toi, la question. On ne la répète pas, hein. Ah non. Alors il gagne. Je crois qu'il gagne rien, en fait. C'est le jockey qui gagne. De toute manière, là. Lors des grands. Sur le Grand Prix d'Amérique, il récupère le drapeau, hein. Ah. Et c'est tout, hein, en fin de compte. Ouais, mais on s'en fout du drapeau. Ouais. Bon, alors Tornado et Jument. Tornado et Jument qui sent, vous calmez parce que vous commencez à me les gonfler. Bah oui, mais bon, GG, c'est vrai, intervenir quand même. Ouais, mais vous calmez un petit peu. Non, mais vous êtes bon, Jean. Ok, c'est cool. Alors, donc pour toi? Ouais, eux, ils gagnent rien. C'est les jockeys qui gagnent de l'argent ou des coupes, ou ça dépend, quoi, en fait. Mmh. Ça dépend où ça se passe. Ouais, bah ça, de toute manière, le Grand Prix d'Amérique, normalement, il se passe... En Amérique? Non, en région parisienne. Ah, c'est quoi le Grand Prix d'Amérique? C'est quoi l'arnaque, là? Je te dis que c'est en région parisienne. Oui. Ouais, à la place de je sais plus qui, on accueille Fiorme de Cheval, 19 ans, Duan-les-Pins. Oui, bonsoir. Comment que tu t'appelles? Fiorme de Cheval. Ça, c'est un prof, ça. Ouais. Apo, t'en mets partout, là. Ouais, il y a quelqu'un qui pisse dans les studios, là. C'est un peu douline, ma cochonne. Bonsoir, Jagi. C'est pas moi. Ta fréquence, s'il te plaît. Il reconnaît le bruit. Attends, je le connais, le bruit. Je le connais par cœur, ce bruit. Vous pouvez laisser parler, s'il vous plaît. Oh, vous fermez votre gueule un peu maintenant. Merci, Gérard. Ça résonne dans la caverne à Apo, là, faites gaffe. La fréquence, c'est 97.8. Ok, James. Alors, donc, tu peux répondre à la question ou pas? J'étais pas là. Alors, que gagnent les chevaux lors d'une course d'équitation? Ils gagnent de quoi bouffer. D'accord. Eh ben, comme ça, on est servi. Coup, ouais. On est servi. En fin de compte, ils gagnent pas grand-chose. C'est vrai, c'est les jockeys qui gagnent le meilleur. Et le en plus, les jockeys, dans l'histoire, ils font pas grand-chose, justement. Quoi. C'est vrai, ça. Ils font juste la vie, en fait. Ils tout le mérite devrait revenir au cheval. Qu'est-ce que t'en sais qu'ils font pas grand-chose? Si, parce que faut se dire une chose, que ils sont, c'est quand même leur job. Hein. Ah, mais pourquoi on ferait pas courir le cheval tout seul? Ouais, un cheval, ça peut être bien tout seul. C'est ce qu'on me demandait sur hier. Ouais, non, mais souvent, quand il y a des chutes là sur l'hippodrome d'Auteuil, le cheval, il termine tout seul. Hein. Et d'ailleurs, s'il n'y avait pas de jockey, il n'y aurait pas de chute, ça serait mieux. Ouais, non, c'est sûr. Ouais, c'est quoi les trucs avec les petits chariots romains là qui traînent derrière? Ah oui. Quoi, non, mais ça, c'est les trucs à... Le trot, ça. Non, c'est pas le trot, c'est avec les charrettes, c'est pas du tout le trot. Le trot, c'est pas pareil. Sur rien, on me demande ce que tu penses des chevaux qu'on abat quand ils se plantent. Non, justement, la question va sûrement, on va sûrement, justement, c'est la huitième. On va essayer ça. D'éviter la question. Hein, je non, pense. Non, je la perds. On l'évite. Je la perds. On l'évite. C'est pas toi qui commences. On l'évite, bordel. Ça t'est arrivé? Non, mais j'ai vu ça. Justement, c'est qui te posait cette question-là? C'est un peu tout le monde. Je sais qu'il y avait Jet, Yankee, Turpentine, Davy One, Olive, Dan, Arnett, Crotin, Delto, Draken, Faceless, Ice-T, La Police, Servomix, Borico, Bubaka, Baba, Azota, Akhenaton. J'ai tous un peu posé la question, en fait. S'il vous plaît, les auditeurs, ça, faut se dire une chose, que ceux qu'on tue, bon, c'est vrai que là, il y a eu, il y a Roland Garros. Il y a des trucs à Nîmes, il y a eu deux chevaux qui sont morts, justement, avec, avec les taureaux, et ça, c'est quand même un peu dégueulasse, parce que... Attends, pour le nombre de taureaux qui est mort, je vais te dire... Ouais, mais là, tu vois, tu es des chevaux, et puis que le mec qui était en dessous, qui est mort aussi, je vais te dire une chose, que ça fait quand même assez de mal aussi pour ça. Hein. Par moment, je me demande si je suis pas con. Filard, tu ferais mieux d'arrêter tes conneries, parce que ça commence à... Tu commences à me faire chier sérieusement, là, maintenant. Pas ici, avec tes conneries. Pas ici. Tu vois, tu vas arrêter un petit peu sérieux. Hein, parce que je commence à en avoir ras-le-bol depuis tout à l'heure. Gérard, si tu veux, je peux te donner une réponse à ta question. Hein. Depuis le début du débat... Gérard, au lieu de gueuler, il y a un auditeur qui veut participer au débat, on ferait mieux de s'en occuper. Qui c'est qui veut... Réagir. Qui? Moi, j'aiment bien qu'on avance un peu dans ton débat. Ouais, c'était jument, je sais pas quoi. Jument qui sent. Ouais, tu voulais dire... Je voulais te répondre à ta question. Ouais, vas-y. Tu demandais tout à l'heure, tu penses que t'étais con? C'est ça? Non, c'est Pildar qui s'amuse à dire ça. Ah non, c'était pas toi. Okay. Non, c'est Pildar qui s'amuse à passer des conneries comme ça. Ah. Alors, l'équitation est-il le meilleur moyen pour se faire de l'argent de poche? On va demander à quelle question, Gérard? La sixième, à jument qui sent. Bah, c'est un moyen de se faire de l'argent de poche, mais même plus. Ouais. Parce que c'est un job à plein temps. Bon, jument qui sent, tu réponds correctement, s'il te plaît. Bah oui, bah moi c'est ce que je dis, mais on me coupe la parole. Donc c'est mieux, tu gagnes beaucoup plus que de l'argent de poche, hein, ça c'est clair. Mm-hmm. Ça c'est un vrai travail. Donc voilà quoi. D'accord. Tornado. Ouais, plus que de l'argent de poche, tu m'étonnes, c'est de la caillasse direct. T'as pas de caillasse, t'es un chien de toute façon. Ouais. Tu sais comment ça se passe, hein. Ouais, c'est clair. Ce n'est pas si facile. Alors, bon, Tornado. Facile, hein. Ouais. Tornado, tu réponds correctement à la question. Je t'ai répondu, non? Et du monde, là. Je t'ai répondu, c'était clair et net. Bon, Hippodrome, alors. Ouais, moi aussi, hein, je pense comme tout le monde. Je pense qu'on gagne, il y a de la maille, quoi. Ouais. Non, mais si vous n'avez pas envie de faire les débats, je me demande pourquoi qu'on vous sélectionne. Bah attends, mais faut voir les questions de blaireau que tu nous prépares aussi. Qui c'est qui est pas content? Qui c'est qui est pas content? Ça, j'ai pas froid direct. Je sais pas. Ouais, moi non plus. Qui c'est qui est pas content entre jument qui sent et Tornado? Ah non, c'est le troisième. C'est pas moi, c'est le troisième, je crois. C'est le troisième, justement. Je crois que tu vas trop loin et que les réponses que tu donnes, elles sont naves. Tu vois que c'est lui, regarde. Tu vois, c'est pas nous. On peut pas parler en même temps, c'est lui, c'est le troisième. C'est vrai que t'es passé sur Skyrock hier. Oh là là, mais c'est qui celui-là? Comment s'appelle le dernier, là, GG? Non, c'est pas Sion de Cheval qui parle comme ça. Non, c'est pas moi, non. Non, c'est plutôt Tornado et Jument Verte. Alors, au revoir à vous deux. Au revoir à vous deux. Mais c'est pas moi. T'as qu'à virer les deux, ça fera du bien. Allez, tu vires Jument Kissant et Tornado, tu leur dis au revoir et tu reprends deux autres personnes. Al Kidaï. Donc, Sion de Cheval. Oui, bah moi, je pense que entre bosser dans un supermarché ou faire de l'équitation, les deux sont aussi équitables, mais qu'il faut quand même faire attention, quoi. Non, mais... L'équitation est-il le meilleur moyen pour se faire de l'argent de poche? Ouais, bah je pense que ce que je viens de dire, c'est juste à ce niveau-là, quoi. C'est-à-dire qu'au niveau de l'argent, d'accord, mais faut quand même faire attention au niveau des poches, quoi. Ouais, non, mais je pense que l'équitation, c'est pas un meilleur moyen pour se faire de l'argent de poche, hein, parce qu'au contraire. Tu penserais plutôt quoi, toi? Tu t'en perdrais plus qu'autre chose, hein, de toute manière. Pour te faire de l'argent de poche, tu ferais quoi alors? Ben, si, c'est vrai que tu peux te faire de l'argent de poche tout en aidant. Fildar, tu arrêtes pour la sixième fois consécutive parce que depuis le départ que j'ai pris l'antenne, tu n'arrêtes pas de faire ton bordel. Alors ça commence à devenir bordélique avec toi. Ah, il fout la merde, hein, c'est clair. Hein? Parce que celui qui fout le plus le bordel le jeudi, c'est toi. Hein? Alors ça commence à bien faire. C'est la dernière fois que je te le dis. Alors donc, il n'y a plus de gros mots, ça fait du bien. Donc j'ai répondu à la question. Alors c'est à moins qu'on aille d'autres personnes là où le. Ça arrive, 30 secondes, vas-y, enchaîne. Alors septième question, l'équitation est-elle une passion ou un luxe? Non mais celui-là qui pousse sa merde. Il n'arrête pas là depuis le premier débat. Il faut que ça. Ah, tes auditeurs le débat. Apodrome. Je pense que c'est un luxe. Et parce qu'il faut être passionné d'avoir des luxes, du luxe. Non, mais est-ce que c'est une passion ou un luxe? Ouais, il faut être passionné d'avoir du luxe, donc c'est une passion et c'est aussi un luxe. Donc c'est les deux pour toi en même temps? Ou pas en même temps, séparément, mais c'est... Attends, je te reprends tout de suite. Oui. Ouais, alors on a Sam Gratte, bon, la croupe, 30 ans de Tours. Et Johnny Bumper, 51 ans de Limoges. Salut. Oui, bonsoir. Bonsoir, Johnny Bumper. Salut, Mme Azir Rantaine. Bonsoir. Bonsoir, Gérard. Ta fréquence, s'il te plaît, bonsoir. 107.7. 107.7. Et... Sam Gratte, la croupe. Sam Gratte, la croupe, ta fréquence, s'il te plaît. 102.8. Bonsoir, Gérard. Bonsoir. Bonsoir. Donc, alors, bonsoir. Bon, ça y est, on a terminé. Bon, alors, la question, je la répète pour la dernière fois consécutive. L'équitation était le meilleur moyen pour se faire de l'argent de poche. Non, c'est pas cette question, non, c'était luxe ou passion. Non, parce que il y en a deux qui viennent d'arriver, donc ils vont répondre. Attends, si tu reviens en arrière sur ton débat, déjà c'est chiant, mais en plus tu pourrais reposer la première question. Non, attends, parce que celui qui. Voilà, tout à fait. Je voudrais réagir sur les constellations. C'est qui? C'est Johnny Bumper. Eh ben, au revoir, comme ça, tu parleras de l'espace avec quelqu'un d'autre. Parce que moi, je reprends pas les débats sur l'espace. Mais Gérard, pourtant, il y a des constellations de Pégase, des chevaux, comme non, ça. Non, mais même, il veut que je reprenne les questions de l'espace. Il y a d'autres questions, c'est mieux. Hein. Bon, alors, on arrête tout. Alors, donc, la question, ben, l'équitation est-elle une passion ou un luxe? Alors, donc, Apodrome, c'est à toi. Apodrome. Elle a déjà répondu, Apodrome. Non, elle n'a pas continué. Oui, il faut être passionné d'avoir du luxe, donc je pense que c'est les deux. Développe un peu. Mmh. Ouais, comme dit l'auditeur, essaye de développer un peu, parce que là, c'est louche ta question. C'est petite goutte. C'est plus... Ta question aussi est louche, mais... Non, mais attends, l'équitation est-elle une passion ou un luxe? Pour moi, l'excitation, ça peut être très bien une passion ou un luxe en même temps. Hein. Ouais. Ouais, bon, c'est un luxe parce qu'il y a certains chevaux qui ont les dents en or. Jean Richard. Voilà. Et c'est une passion parce qu'il faut être passionné aussi d'avoir des dents en or. D'accord. Voilà. Ouais. Ok. Ouais, à la place de Johnny Bumper, on a Grosse Pégase, 50 ans de Antibes. Bonsoir. Pégase. Salut à tous. Salut. Bonsoir. Ta fréquence, s'il te plaît. 103.7. 103.4, pas 103.4.7. Oh, t'as vu souhaiter ça dans Spirou Magazine. Sion Desval. Oui, oui, bah moi je pense que le luxe c'est forcément une passion, qu'une passion est un luxe. Mais comme tu l'as développé dans ton précédent débat sur l'espace, l'espace peut être un luxe tout à la fois comme étant une passion par rapport au cheval qui se permettent de d'avoir des passions. Ah, ça va ce que tu dis, toi. Mmh. Grosse Pégase. Ah, moi, je pense que c'est plus un luxe qu'une passion, hein, parce que bon, si par exemple des gens comme nous, des prolétaires, on veut avoir des chevaux, on aura des pauvres mulets mexicains. T'as besoin de te pincer le nez pour parler? Ah non, j'ai une gastrite, c'est pour ça. Ouais, une gastrite entérique. Non, ben c'est bien, il est parti lui. Alors c'est bien. Alors non, il est toujours là. Voilà, donc je disais que si des personnes comme nous avaient un faible revenu, des espèces de RMistes, on veut acheter des chevaux, on pourra pas. Hein. C'est un truc de luxe, hein. C'est un truc de fou. Hein. Je te le jure. Hein. Est-ce que c'est une passion pour toi? Salut, c'est Faudel avec mon pote. Oh oui. Je sais. Ça fait à tout le monde. Il y a quelqu'un qui touille là, Gégé. Hein. C'est bon. Oh oui. Oh, ta grosse bouse dans ma chatte. Ah, mais il se passe des choses, hein. Je crois que j'ai une bite de cheval ou quoi, là. Quel est le problème? Je sais pas, là, on est en train de jouer, là, ou quoi, là. Non, mais quel est le problème? Quand Fildar, il arrêterait de faire ses conneries depuis... Encore Fildar, mais c'est depuis, pas depuis Fildar. Minuit et demi, c'est lui qui fait des conneries. Arrête. Bon, allez, hop, moi, on va faire conclusion parce que là... Oh, on va où, là? Oh, petit oiseau. Eh, oh. Oh, toi, tu t'écrases encore? C'était bien, là. Ah, t'es pas loin de ton micro. Arrête, là. Allô, Gérard. C'était bien, on s'amusait bien, là. Gérard. Vérifie que ça marche, là. Vas-y, Gérard, continue. Les micros éteints! Faut bien vérifier si ça marche. Ouais, j'essaye. Ouais. Comment ça, me les gonfler, là, en ce moment? Je reprends, Bibiche. Je peux souffrir. Ouais, attends, je suis pas ta biche, ok, d'accord. Faites gaffe qu'ils vous veulent pas de l'argent dans votre porte-monnaie, les mecs. Bon, toi, tu dégages, au revoir. Qui, Gérard? Qui? Grosse Pégase. Ah non, c'est l'autre. Hein. Non, c'est l'autre, allez, non, hop, tu dégages, au revoir. Ouais, c'est Flamme de Cheval, ouais. Non, c'était l'autre. Non, c'est Grosse Pégase, au revoir. Non, hop, au revoir, au revoir. Flamme de Cheval. Au revoir. Toi, PD, tu vas voir, ouais, tiens, t'as raison, toi. T'as raison. Bon, ça gratte la croupe, là. PD, va. Ça me gratte la croupe. Ouais, vas-y. En fait, c'est une passion, si le cheval est passionné par ce qu'il fait, quoi. Ça peut être aussi un luxe, parce que il peut avoir la chance, tu vois, d'évoluer comme au cadre de Sommer, t'en parlais tout à l'heure, mm-hmm. ou de vivre dans une pauvre ferme avec une pauvre jument, enfin, tu vois, quoi. Donc, ça dépend du degré de luxe qu'a le cheval. Ouais, mais de toute manière, bon, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Sommer, parce que c'est vrai que c'est le centre d'équitation qu'il y a pour former les jockeys en fin de compte, hein. Uh-huh. Et puis ceux de la garde républicaine. Uh-huh. Donc c'est vrai que c'est une passion et ça peut être un luxe en même temps. Hein. Ouais. Donc j'ai répondu. Ouais, GG à la place de Grosse Pégase, on accueille Seyard, 26 ans de Saint-Tropez. Ah oui. Bonsoir Kudai, bonsoir tout le monde. Ta fréquence, s'il te plaît. Je suis sûr. 102.5. Alors, question numéro 8. Le cheval peut-il être un ami pour vous? Donc, justement, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure. Tout à fait. Donc, on va demander à Seigneur. J'ai rien compris à la question. Hein. J'ai rien entendu. Hein. Je suis désolé, Gérard. Le cheval peut-il être un ami pour vous? Alors oui, tout à fait, le cheval peut-il être un ami, c'est clair. Parce que ton cheval, tu l'apprécies, surtout s'il t'appartient. Donc c'est comme un animal domestique. C'est comme un petit chien ou un petit chat. Non, mais ça, oui, mais ça, de toute manière... Est-ce que tu as retrouvé ton petit chat, Calin? Pourquoi? T'es bien au courant, toi? Non, c'est tout, je m'en souviens. Ça m'a attristé. Ouais. Bizarre. Ça gratte la croupe. Je t'ai répondu déjà, Gérard, je crois. Non. Ah oui, c'était sur les animaux domestiques, excuse-moi. Bah oui, ça peut être un ami si tu passes ton temps avec ton cheval, quoi. Je sais pas si tu te rappelles de mon petit poney à la télé, j'étais super ami avec le gamin, quoi. Non, je me souviens pas de ça. Mon petit poney? Non, je... Non. Ah ouais. C'est bien ça, mon petit poney. Hippodrome. Je pense que ça peut être un ami, puisque c'est un animal. Et que, tout simplement, il fait partie des 30 millions d'amis qu'on a aussi, les autres. Et donc, ouais. Toi, t'es mort. Je vous préviens, vous allez vous calmer, parce que tout à l'heure, on va faire la neuvième. Et je vais arrêter, parce que ça commence à devenir lourd. Petit cul d'arrière. Alors, Sion de cheval. Sion. Oui, oui. Alors, moi, je pense que le cheval, ça peut être un ami. Regarde, il y a des exemples quand même assez précis. Brigitte Lahaye. Enfin, je connais certaines personnes qui sont des chevaux et qui ont de bons rapports avec eux. Eh non, mais vous répondez correctement aux questions ou vous dormez, là? Non, tout raide le cul d'arrière. En fait, pour être très clair, je pense que le cheval, c'est un ami. Si c'est plus un ami, il faut le tuer. Non, mais ça, je suis désolé, ce que tu viens de dire, je peux pas te... C'est exactement ce que j'avais un spécialiste sur l'IRC tout à l'heure, et il me disait que c'était exactement ça. Ouais, mais moi, je peux, si c'est un ami pour toi, c'est un ami pour la vie, c'est pas la peine de vouloir le tuer. Parce que ça sert à rien d'avoir un cheval comme ami. Donc, je vois pas du tout le rapport avec... C'est affectif, un cheval. Ça peut être un fétiche, comme tu veux. Si c'est infectieux. Ouais, ben ça, c'est plus affectueux que toi qui arrête pas de faire le bordel depuis minuit et demi. Ça, c'est vrai. Donc, avez-vous de l'argent pour monter à cheval? Alors, 55% des gens ne pensent pas à ça, mais au cul. Ça, c'est pour Pildar. Ça, lui, il pense qu'à ça. 26% aiment de l'argent pour la selle, mais pas pour le cheval. Moi, je préfère que ce soit pour les deux. En principe, c'est pour le cheval, c'est pas pour autre chose. Non, mais il y en a, t'as pas compris, c'est qu'il y en a qui ont peu d'argent, donc ils peuvent avoir que la selle. Ouais, bah, c'est bien. Et puis en plus, 12% montent seulement des chevaux homosexuels, alors ça, c'est pour toi. Mmh. Si tu veux. Et 1% estime que l'argent ne tombe pas du cul, mais du cheval. Ça m'étonnerait, hein. Enfin, huitième. Gérard, vite fait, avant sur. Alors attends, sur IRC, il y a plein de trucs, mais il y avait la police qui disait quelque chose. Apparemment, ça a l'air sérieux. Il te demande si tu connais l'homme qui murmure, le film L'homme qui murmurait dans les oreilles des chevaux. Parce qu'il paraît que tu as fait une parodie, ça s'appelait Gégé qui mordillait les bites des chevaux. Non, ça m'étonnerait, donc je réponds pas à ça. T'as joué dans la suite, L'homme qui léchait les chevaux? Non. Ah, il y avait Gégé qui fait du pipeau aussi. Ouais, qui avalait le sperme des chevaux aussi. Oh là là! Gildard, fais gaffe parce que ça commence à bien faire depuis minuit et demi. D'accord? Ça va faire 3 heures que tu me fais ta merde. Ouais, pas la santé. Ouais, non, mais ça, depuis minuit et demi, t'es en train de foutre ton bordel. Et je pousse. C'est tes pompes que tu dépais de là et après tu mets tes pompes sur le truc et que tu fais Apolline et Rigaud. Mmh. Hein? Et puis maintenant, tu t'amuses à foutre ton bordel. Mmh. Alors je vais te dire une chose, c'est la dernière fois que tu fous ta merde. D'accord? Tu cartonnes! On est combien là, Rigaud? Parce que si on n'est pas dopine, ça sera de sa peau. 4, bah là, on n'est pas beaucoup là. 6. Je préfère pas te le dire parce que. Si, non, mais dis parce que Max, il est là, donc avant qu'il parte, on va voir combien qu'on est. Tu casses? 6352. Ouais, voilà, 6000. Tu cartonnes! Non, on est que 6000, alors on n'est pas encore 9000. Alors je signale, on n'aura pas les 9000 à cause de tes conneries. Alors, 9e question, aimeriez-vous dresser des chevaux comme Mario Labrato? Loratio, pardon. Là, je sens que tu vas te prendre mon briquet dans la tranche. Non, on n'en sait rien. Et on fait pas d'insultes. Ouais, bah, fais gaffe. Fais gaffe à ton matricule. Tu demandes à qui? Gérard. Alors, aimeriez-vous dresser des chevaux comme Mario Lorazzo? Et on va demander à Sion de cheval. Mais Gérard, j'ai une idée pour toi. Ce qui serait bien, c'est que tu arrêtes les débats à 2 heures. Comme ça, tu peux aller plus rapidement au bois de Boulogne. Hein, salope? Alors, Fildar, c'est la dernière fois que je te donne l'avertissement. Jeudi prochain, t'es viré des studios. T'es viré. Gérard, qu'est-ce que tu m'as dit dans le bureau? Ouais, dimanche, on va régler nos comptes avec toi et toi, là, tous les deux. Parce que qu'est-ce que t'attends, toi? T'attends de virer un auditeur pour passer? Non, c'est faux. Ouais, tiens. Ouais, tiens. C'est faux, je parlais à ma mère. J'ai le droit de parler à ma mère. Je t'ai vu faire parce que ça a clignoté. C'est pas ta mère qui t'appelle, c'est faux. Donc, tu me raccroches le téléphone. Je lui annonçais que mon homosexualité et que je voulais me marier avec toi. Ouais, c'est ça. Donc, tu raccroches le téléphone. Je peux pas raccrocher à la gueule de ma mère. Ouais, ouais. putain, à peau. Allez, ouais, t'inquiète pas, j'ai vu comment t'as fait, donc tu peux raccrocher. Bah, cherche pas, cherche plus, là. Tu dois être monté comme un étalon, moi. Hein. Aimeriez-vous, donc, sciente de cheval? Écoute, c'est moi je voulais revenir un peu sur le truc d'avant, c'est-à-dire pour payer tout ça. Je pense que vu la gueule de ton cheval, c'est-à-dire Sandy, que tu montes, tu dois. Alors, au revoir. Tu répondras même pas à la question, je te dis au revoir. Du délire. Apodrome. Tu peux me. Oh non, on répète plus les questions. Tu peux m'expliquer, c'est que c'est Mario. Bah, c'est vrai que je ne connais pas moi non plus. Je ne connais pas, donc je peux pas te répondre. C'est pas un plombier lui? Non. Non, c'est un dresseur de cheval. Ouais, et qu'est-ce qu'il a de particulier? Je sais pas, je connais pas, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah, il prend des chevaux sauvages et il en fait des Gérards. C'est trop, là. Fildar, ça commence à bien faire. Ouais, excuse, j'avais oublié. Ça, c'est du Fildar. Ouais. Ben, je vais te répondre. Si on de cheval, là, tu lui dis au revoir, hein, c'est terminé pour lui. Il a pas besoin d'insulter les personnes qu'il connaît pas. Je te réponds quand même? Ouais, vas-y. Je sais pas. ouais, il dresse bien les chevaux. J'aimerais bien, d'ailleurs, dresser comme il les dresse. Et comme ça, j'aurai tous les cheveux, ça sera des esclaves. Voilà. D'accord. Seigneur. Déjà, c'est pas seigneur, mais seigneur. Ensuite, dresser un cheval, ça m'intéresse pas du tout. Parce que j'ai déjà eu assez de mal à dresser ma femme comme ça. D'accord. Et ça gratte la croupe? Bah en fait, moi j'ai peur des chevaux, donc je pourrais pas m'occuper d'un cheval, non. Mais surtout pas le dresser. Mais j'ai vu Mario Loraccio dresser un cheval et c'est assez impressionnant quand même. Mais de toute manière, même, je sais qu'il y a Apodrome là, et puis je pense que... Non. Je pense que ça doit être pareil aussi pour... Non, rien à voir. C'est clair. Donc, ça doit être à peu près pareil que si on va reparler de ce mur, mais en fin de compte, c'est pareil. Hein. Bon, alors, la dernière question, et après on va couper, parce que comme ça, ça permet... Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un disque, histoire que les auditeurs se reposent. Se calme, moi, voilà, se calme un peu. Tu vas poser la question, donc, et on va mettre un bon disque. Alors, la disque, c'est avez-vous déjà gagné un prix avec... avez-vous déjà gagné un prix avec votre passion? Et on va s'écouter les étalons homosexuels avec Cravasse-moi le cul, mon petit jockey. N'importe quoi, c'est dit. Et voilà, vous venez d'écouter les étalons homosexuels avec Cravasse-moi le cul, mon petit jockey. Donc, on se retrouve pour la suite et fin du débat sur les jockeys. Et pour ça, la dernière question, c'était avez-vous déjà gagné un prix avec votre passion? Et on va demander à... Ça me gratte la croupe... Ben en fait, moi je joue au tiercé et j'ai pas gagné de prix, mais j'ai gagné beaucoup d'argent parce que je suis pas joker et j'ai gagné environ 40 000 balles en 10 ans. Wow, ouais, c'est pas mal. Bien. Ah, la meuf. Ouais. C'est bien ça. Ouais. Seigneur. Ouais, c'est bon. Allô. Seigneur. Mais qu'est-ce que c'est que c'est... Oh, bon, alors. Non, mais c'est rien. Seigneur et non pas Seigneur. Donc, oui, je gagne beaucoup d'argent. Ma passion, c'est de chier sur les paillassons. Et je me fais beaucoup d'argent avec ça. Ouais, ça, y a pas de problème. On fait des paris avec les potes. Eh ben, au revoir. Bah, pourquoi? Au revoir pour lui. Voilà. Alors, Omadrome. Apodrome, pardon. Omadrome. Excuse-moi, Apodrome. Ouais. Non, moi, j'ai pas gagné de prix parce que j'ai jamais, je suis jamais montée sur un cheval. Donc, je peux pas te répondre. Par contre, une fois, j'ai été à un cours de judo. Ça peut t'intéresser. J'ai gagné un prix. Ok. Ben, donc... Ça t'intéresse pas? Ben, si. Et c'est quoi comme prix que t'as gagné? Prix de 100 kukai. Ah, d'accord. Voilà. Comme ça gratte la croupe, là, je peux vous dire une chose, que le tiercé existe depuis 1954. Waouh! Wow. Avant, il y avait quoi? Non, ça existe depuis 1954 et normalement, j'aurais dû vous le dire bien avant. Donc, on va faire la petite conclusion. Ah, Gérard? Ouais, non, mais ça y est, c'est fini. Hein. Bah, pour la conclusion, j'ai retrouvé quelqu'un à la place de Seyard. J'ai le chevaucheur sauvage qui va se présenter lui-même. Oui, bonsoir, chevaucheur sauvage. Salut, le chevaucheur sauvage. Bonsoir, Bordeaux 104.4. Bonsoir, GG. Bonsoir à toi. Bonsoir. Bon, donc, pour toi, la dernière question. Tu peux me la répéter, je suis désolé avec tout ça. Tu sais, donc, avez-vous déjà gagné un prix avec votre passion? Avec ma passion, bien sûr, un premier prix. Moi, je joue régulièrement sur les chevaux, mais je parie également sur les chiens. T'as pas parlé des courses de lévrier, par exemple, parce que c'est vrai qu'il y a aussi de la thune à faire de ce côté-là. Gégé, toi, tu as déjà vu des courses de chiens ou pas? Là, il y a une course de lévrier qui va pas tarder d'avoir lieu sur l'hippodrome de Longchamp. On peut peut-être en parler un peu. Ouais, je peux parler des courses de lévrier un peu. Ça rapporte plus ou moins, Gégé, les lévriers que les chevaux? Je pense que ça rapporte plus parce que c'est des chiens de race, mais je peux pas te dire parce que je sais pas exactement la date exacte de la course de lévrier qui sera sur l'hippodrome de Longchamp. Tu nous tiendras au courant dans les émissions à venir, j'espère. Ah oui, de toute manière, je pense que je pourrais vous dire ça. Non, mais dis pas ça, Gérard, tu le fais jamais. Mais attends, de toute manière, on sait pas encore quand est-ce que c'est. Je sais qu'il y a des affiches qui sont sur. Je me demande si c'est même pas encore passé déjà cette histoire. Mais Gérard? Oui. Je sais pas si t'en as déjà vu à la télé, c'est quoi le truc qu'ils mettent devant les chiens pour le faire courir? Devant les chiens pour le faire courir? Ouais, pour les courses de lévrier, tu sais, ils mettent un truc qui... C'est un billet. Je sais pas ce que c'est exactement. Je sais pas ce que c'est exactement. Je pense que c'est un billet, un bifton, je te dis. Gérard, pour répondre à cette question, on accueille Sale Chienne. Bonsoir. Bonsoir. Allô. Bonsoir. Salut, sale chienne. Salut, mes loulous. Salut, Fidèle. Alors, moi, j'ai une bonne réponse parce que, effectivement, j'ai une passion. Elle m'a rapporté beaucoup d'argent, c'est la photo. Alors, j'ai fait des photos à la loco, très intéressantes. J'ai fait des petites photos sous le pont de l'Alma et surtout des grosses. Alors, si Sandy pouvait me. Au revoir. Parce qu'elle est quand même assez énorme. Au revoir. Non, mais si tu veux ta grosse vache, j'aimerais bien la voir en photo. Au revoir. Tu te démerdes. Sous le pont de l'Alma, ça me plairait vraiment. Parle pas de la vache Milka, là, enfin. Avec une plaque de verglas juste en dessous. Manu, okay. Qu'est-ce que t'en penses? La grosse vache avec une plaque de... Tu te démerdes, Manu. Ouais, je veux bien, moi, mais... Gégé. Oui, papa. Moi, j'ai jouné. J'ai jounette. Au revoir. Ça y est, je parle quand même. Enfin, c'est pas compliqué, pourtant, de s'appeler un auditeur. Moi... Oh là là. Bon, alors, c'est qui, c'était, qu'est-ce qu'on, de quoi qu'on parlait? On parlait des, des courses de lévrier. Bon, de toute manière, je ne sais pas quand est-ce que c'est les courses de lévrier qui vont se passer. Tu ferais pas une rubrique 30 millions d'amis, courses hippiques, tout ça? Ça pourrait être intéressant, non? Non, ça me dit rien du tout, tu vois. Ah bon, parce que t'as l'air de t'y connaître un peu quand même. Bah non, ça, c'est des thèmes de débat qu'on n'a jamais abordé depuis que je fais des débats sur Fun et. Ouais. Donc, quelqu'un qui voudrait acheter un cheval neuf ou d'occasion, un peu comme une voiture, tu lui conseillerais quoi, toi? C'est quoi les bons trucs que tu veux pour pas se faire avoir quand t'achètes un cheval? Parce que c'est quand même un investissement, quoi. Il faut regarder quoi en premier? Non, déjà, pour déjà savoir avec... Attends, tu conseilles neuf ou occasion d'abord? Déjà, des chevaux d'occasion, ça m'étonnerait que t'en ailles. Hein. Ah bah si, quand t'achètes un cheval, il a 5 ans, il est d'occasion. Il a déjà servi, forcément. Mais savoir s'il a servi pendant la guerre sur des champs de course ou autre, je pense pas. Hein. Regardez le kilométrage, non? Non, attends, arrête tes conneries. Tu regardes du sur des sabots. Il y a des questions, non? Par contre, il y a un nouvel auditeur, on accueille Andromède. Bonsoir à tous. Je vais venir de la Tantouse, ouais, avec sa chaîne. C'est comment son nom? Andromède. Andromède. On t'appelle d'où? Tours. Ta fréquence? 102.7. Donc, la question, alors tu l'as compris, je la répète plus. Ah ouais, je l'ai bien compris. Ouais. Alors, tu peux répondre? Les lévriers. Ouais, les lévriers. Alors, la course de lévrier, ce qu'ils mettent devant, je crois que c'est un des vieux slips. Non, c'est de l'afghan. C'est pour ça qu'on parle toujours de lévrier afghan. Toujours. Pourquoi? Ah, c'est de l'afghan. Ah bah ouais, direct. C'est de la drogue? Ah bah non, j'ai pas dit ça, non. Ah bon, c'est quoi de l'afghan, alors? GG. Je sais pas. Ça parle de quoi? Ouais, c'est quoi de l'afghan? Du cachiche. Allez, rapporte-moi là. Du cachiche. Ouais. Bon, alors après. Ouais, bah c'est tout, ouais. C'est ma réponse. C'est ta réponse, bon alors conclusion maintenant. Ah, c'est cool. Sors tes doigts de ton nez pour faire ta conclusion. Quoi. Ah non. ça gratte la croupe, la conclusion. Eh ben, conclusion, c'était un débat médiocre, malheureusement. Bah ouais, le premier c'est simple, j'ai remarqué, à chaque fois c'est pareil. Le premier se passe toujours bien, le deuxième c'est toujours de la merde. C'est ordinaire. C'est ça, que ça n'a quand même rien à voir avec les débats de la semaine dernière, parce que t'es vraiment trop passé pour un con et j'ai trop bien ri. Eh ben c'est bien. Ok, ben je te remercie, au revoir. Bon week-end. Ouais, ben toi aussi. Au revoir, connard. Chevaux 104, chevaux. Non, chevaucher sauvage. Chevaucher sauvage. Alors toi, conclusion. Quand tu veux que je t'en mette un coup de chevaucher, il n'y a pas de problème. Le débat en lui-même, c'est vrai qu'il était quand même limite. Moi, je trouve que tu connais pas assez le sujet, donc tu as fait un débat que tu n'as pas maîtrisé, en fait. Parce que tu as dit que tu connaissais, alors que je suis sûr que tu joues même plus au tiercé, en fait. Si, j'y joue de temps en temps. Et tu gagnes. La dernière fois que j'ai gagné, ça remonte assez longtemps, et j'ai gagné 5008. Ah, mais c'était il y a quoi, il y a 10 ans, non? Non. Pourquoi t'as payé le RMIS? Non, pas du tout. Ah, donc tu t'y connais pas, parce que tu gagnes jamais, quoi. Tu joues, mais tu perds tout le temps. Donc tu t'y connais pas, c'est bien ce que je disais. Et je sais pas, parle-nous de trucs un peu que tu maîtrises un peu plus, quoi. Je sais pas, les MST, les trucs comme ça, quoi. C'est ça, les MST, et puis quoi encore, non? C'est ça, la DAS. Alors toi, ta conclusion, elle est terminée pour... Andromène, là, terminé pour lui, sa conclusion, il la fera pas. Bah, il est parti. Ah non, il est là, non? Non, non, tu lui dis au revoir, hein, il fera pas de conclusion, lui. Ah bon? Non. Bon, hein. Alors, Apodrome. Alors moi, je pense que c'était quand même un sujet intéressant, même quasi passionnant. Mais t'as pas fait totalement le tour de la question. T'aurais dû plus parler de tes cheveux à toi. Il y aurait plus de trucs à dire, genre s'il y a plus de pellicules en hiver ou en été, ou... Si ça pue plus l'été ou l'hiver. Ouais, ou si... par rapport à la crasse, tout ça, quoi. N'importe. Ouais, non, mais c'est normal, hein. Tu fais pas de pub pour L'Oréal parce que tu le vaux pas. De toute façon, tu vaux rien, t'es que de la merde. Tu vaux même pas un shampoing Leader Price, donc... En gros, t'es qu'un bâtard. Voilà, ouais. Alors, t'es qu'une merde et gros connard. D'accord, au revoir. Alors donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, ben donc, ce week-end... conclusion de guerre, c'est quand même. Ouais, conclusion de guerre, c'est, pardon. Donc, conclusion de Turpentine qui disait que ton débat, il avait ni... Que ni queue ni tête, comme moi, j'en ai rien à foutre de ces conclusions. Ça va, Seb? Ça va. Et donc, sinon, Yankee qui dit que c'est un débat à chier, mais vite fait, il y a la police qui dit qu'après avoir écouté les débats, maintenant, il sait qui est le responsable et l'auteur des boosts de merde que l'on peut trouver à Suresnes. Il dira pas qui c'est, heureusement. Pour bien comprendre, Seb, c'est l'animateur qui vient après. Ouais. Lui, c'est Jean, ce soir. Il pleut des conclusions. Alors, on va essayer d'en dire... On a plus 3 minutes après ça. Ça allez, bouge, là. Allez. Sérieux? Allez. Vous êtes lourd. Ouais, bah non. Non, tu avais fait ces conclusions. Vous avez qui a pas foutu de votre merde durant les deux débats. Non, je suis désolé. Toi, tu éteins ton micro et tu t'écrases. Non, mais je vais pas lire les conclusions parce qu'elles parlent toutes de ta grosse jument. Ouais, bah alors, qui sait que se faire foutre dans ce cas-là? Moi, conclusion du deuxième débat, c'était de la merde grâce à Manu et Pilder, comme d'habitude. Oh, bah de rien, tu sais, on est toujours là pour toi, mon coco. Ben, si c'est pour foutre la merde, ça sera plus la peine parce que je vais demander à changer de personne. De radio. Et donc, demain soir à la loco. C'est pas moi, toi. C'est toi. Putain, si je m'appelais Rigo, ça changerait beaucoup de choses. Ouais, c'est pas Rigo, son micro il est éteint. Alors écrase. Donc, ce soir à la loco, Max y sera. Donc, il y aura, comme dit. En premier, il y aura Gigi Mulo, Gigi Barcono. Non, ça va, c'est non, Bigorno, pardon. Gigi. Bon, on le refait, allez, on annule. On recommence. Gigi Mulo, Gigi Bigorno, Gigi Max, le Surf System, Jean-Guy au light. Ouais. Et Bernard Minet à la batterie masquée. Ça, c'est bien de tes conneries, Pildar. Gigi Goré aux percussions perverses. Ça, c'est bien tes conneries, tout ça. Hein. Alors, tu m'as tout salopé. Là, il y a personne à la loco demain soir à cause de toi. Mais c'est ça. T'as lu n'importe quoi, ils vont pas comprendre. Faute, hein. C'est une honte. Alors donc, pour terminer, là. Jamais. Impossible qu'il y ait du monde, ça c'est clair. Pour terminer, ça c'est. T'es en train de couler la boîte. Bagale. T'es en train de couler la boîte. Franchement, là. Et ça, tu t'en rends pas compte. Ouais. Tu sais pas ça. On va dire avec deux tableaux pour faire des débats, c'est bien. Donc on va terminer avec la grosse jument du 92 avec ça. T'as coulé la loco. Non, mais soda fight entre mes bourrelets. Au revoir. T'as coulé la loco. Au revoir à la semaine prochaine. Attends, j'ai pas de disque. Deux secondes. Non, deux secondes. Deux secondes. Tu fais ton boulot. Rebalance. Redis les Didi. Vas-y, Chérin, rallume ton micro. Rechauffe les DJ, là. Tu fermes ton micro et tu fermes ta gueule, gros fort. Bah, je te dis ce qu'il faut que tu fasses, sinon tu t'en branles pas une. Alors vas-y. Allez. Allez, pardon. Bah allez. Bah il a qu'à me mettre du son lui, ça boutit là-bas. Mais t'en as du son. Alors. Alors. Putain, mais t'es pas sur le bon truc, Gérard. Réfléchis, tu montes celui du haut. Voilà. Alors donc, à la loco voilà, ce soir, ça sera DJ Mulot, DJ Bergono, DJ Max, Jean-Guy au light, Bernard Minet à la batterie masquée et DJ Goré aux percussions perverses. Et vous allez vous écouter la grosse jument du 92 avec ce soir. C'est Sonoxtap entre mes bourrelets. On se retrouve dimanche avec toute l'équipe. À dimanche, bonne soirée. Et là, vous allez retrouver Seb pour la nuit sans pub. Non. C'est qui? C'est Jean. C'est là, Seb, pour allumer le micro. Donc, c'est Jean à la fin. C'est Jeannot sur Fun Radio. Donc, ça sera Jean. Non, c'est RTL, Jean. Ouais. Donc, ça sera Jean Après, Seb, je vais te montrer, je vais te faire une démo de la deuxième pour que tu comprennes. Ça sera Jean pour la nuit sans pub et on se retrouve dimanche. Bonne nuit à tous et à dimanche.